Puis je parlais de la policière qui est décédée au volant. Ça fait deux, là. Mm-hmm. Ça s'est passé dans le coin de Saint-Ambroise. C'est pas Saint-Ambroise au Saguenay. C'est dans l'Anaudière. C'est Saint-Ambroise dans l'Anaudière. Donc, une policière de la Sûreté du Québec, seule au volant, a conduit à haute vitesse. Elle répond à un appel d'urgence, violence conjugale, et elle se plante. Et malheureusement, elle est décédée. Ça nous rappelle, évidemment, Mélanie Roy à Lévis, qui elle aussi répondait sur un call, l'autoroute 20 à Lévis, et qui a eu un accident grave qui lui a coûté la vie. Je suis en faveur des femmes dans la police. Je tiens à le préciser, oui aux femmes dans la police. Cependant, il est grand temps que quelqu'un dise... Josée, je te vois à face. Non, c'est parce que tu revenais sur les femmes au volant, là. Les femmes dans la police, oui, mais assez à droite. Franchement. Assoyez-vous à droite, siège de l'Helper. On appelle-tu Danica Patrick, là? Essaye. Non, t'as peu, j'ai plein d'arguments. D'ailleurs, toi-même, tu vas répondre à mes questions. Les gens qui nous écoutent dans la route, à matin, là, sont là, là. OK? Les couples, là, regardez autour de vous. Quand il y a un couple, un gars, puis une femme. Oui. Puis il embarque dans la voiture. Oui. Josée, en général, qui prend le volant? Réponds-moi. Mais c'est le gars, mais tu sais pourquoi? Ah, ben, t'as même pas le temps encore de... T'as peu. Réponds d'abord, c'est le gars. Oui. C'est l'homme, on s'entend-tu à 95%? Ah, sûrement. Bon! Est-ce que ça se pourrait que ce soit parce qu'il conduit mieux, il est plus à l'aise? Ben non, pas en tout. Parce que la femme, là, le gars, là, c'est ça le valorise, tu comprends? Oh. Puis ça le dévaloriserait même de laisser chauffer sa femme parce que c'est le côté macho encore du Québec, là. Sais-tu quoi? Je savais que t'allais me dire ça. C'est pourquoi tu me poses la question, j'ai deux autres questions pour toi. Alors, moi, je pense que c'est parce que le gars est meilleur, mais toi, tu vas me dire, c'est parce qu'il est macho. OK, on verra bien. As-tu déjà fait du karting, toi? Moi, j'en ai fait beaucoup. Des gangs, des bureaux, tu sais, la station, tout ça. Et souvent, il y a des gars des filles au karting. En général, José, après, là, ta séance de karting, tu sors, t'as voir les scores, qui est en avant? Tout le temps. Pourquoi tu réponds pas? Qui est en avant? Non, mais qui est en une avant? Une course de karting. Ben il y a des gars, il y a des filles, on court ensemble. Je comprends, mais selon les probabilités, de toute façon, il y a plus de gars, là, qui sont là-dedans. Non, on est égal, 50-50. Qui est en avant? Je sais, j'ai déjà fait, là. Ben, je sais pas. Ben, on peut ouvrir. Peut-être le gars. Honnêtement, je vais y aller comme la ça, là. Réponse. Peut-être le gars, ça se la peut. Réponse, c'est toujours les gars. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs. Dans la F1, la Formule 1, là, y a-tu des femmes là-dedans? Il y en a combien? Combien de femmes, Y en a pas. Y en a-tu droit, par exemple? Ben, vraie question, là. Y aurait-tu le droit, oui? Non, ça, rien n'a pas. Pourquoi elles sont pas là? Parce qu'elles sont moins bonnes. C'est tout. Elles sont pas bonnes. Elles sont pas pourries. Elles sont moins bonnes. Non, mais ça se peut-tu que ce soit un manque d'intérêt? Qui ont un intérêt autre que faire de la F1 ou que de faire du karting, mais qu'elles peuvent être très bonnes au volant quand même. Il peut y avoir une fille, Danica Patrick étant l'exception, qui de temps en temps est bonne, puis parce qu'elle est belle, elle a plein de commanditaires aussi, faut le dire. Mais oui, elle est là, elle casse rien, elle casse pas à baraque pantoute. Dans mais les maisons, très souvent, m'a t'en posé une question, moi. En général. Dans les maisons, en général, là, c'est qui fait la cuisine? En général, c'est la femme. Bon, mais ça se peut-tu que dans des grands restaurants qu'il y ait des grands chefs masculins? Oui. Ben oui. C'est pas parce qu'à la maison, c'est de même, que puis dans la vie, que c'est pas comme ça, là. Non, mais moi je pense que... Parce que là, j'y vais argument pour argument. OK, bon, on va y aller argument pour argument, parce que ta comparaison est totalement boiteuse, Véronique. Mais tu dis, c'est qui chauffe? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une question de rôle qui a été établi dans la société. Ça n'a rien à voir. Je suis contente que tu le dises, moi aussi, je trouvais que ça n'avait rien à voir. Dans la cuisine, est-ce que ça demande des capacités physiques et de l'adresse particulière? Ça prend de la créativité, certainement. Il y a un sens de l'organisation pour être capable de faire cuire trois ronds en même temps. Puis trois cuisines à même temps. Donc, tu réponds à ma question côté capacité physique particulière. Et organisationnelle. Non, je parle de physique. Excuse-moi, ma question, c'est est-ce que dans la cuisine, ça prend une capacité physique particulière? Non. Adresse. À part d'être capable de manier le couteau sans se couper. Ça. La réponse, c'est non. Ah, puis chauffer au volant, ça parfois être en forme physiquement, puis tout ça, là. On appelle-tu Jacques Villeneuve? Ben non. On parle-tu de course automobile ou on parle de police au volant, là? Excuse-moi, police au volant, rouler à 160? On parle pas d'une adresse particulière. Mais ça pour se peut-tu ça? Qu'il y ait des formations, les femmes, pour être au volant quand tu t'en vas dans la police par rapport à Madame Tout-le-Monde qui n'en a pas? T'es-tu au courant qu'ils ont baissé les critères? Depuis que les femmes rentrent dans la police? Ça veut dire qu'eux autres, ils baissent les critères puis ils permettent aux femmes qui chauffent mal d'aller au volant. Si tel est le cas, c'est un scandale, je te le donne. Mais non, mais c'est même pas tel est le cas. Fait que les femmes ont plus de cours de conduite à passer parce que c'est des femmes. C'est ça, tu me dis? Prends pas un air, je sais pas pourquoi t'es agressive. Ben non, mais c'est parce que c'est un débat tellement inutile. Pas en tout, c'est parce que j'ai tellement raison que c'est dur à s'opposer à ça le matin parce qu'on est dedans. Mais tu me fais penser à l'invité qu'on avait tantôt, là, M. Bernheim, avec ses exemples là, qu'elle est de tout bord, de tout côté. Mais à date, mes exemples, ils marchent tous. Ton exemple de la cuisine à toi, t'étais dans le champ. Mon exemple de la F1, je m'excuse. Je peux pas argumenter. Elle marche. Ça, t'as fait tellement penser, en tout cas. Ton exemple de la cuisine, je suis désolé. Tu sais, j'en ai avec quelqu'un qui veut pas, là. C'est ça que ça donne, là. José, à date, est-ce que j'ai dit de quoi de pas correct? Ben, Ben pourquoi dans ton exemple de voiture que le couple qui conduit, ça fonctionne? Ben non, mais comment tu veux jaser? Tu m'écoutes même pas quand tu me poses une question, j'ai pas le temps de finir. Ton exemple de qui est au volant? Tu sais pas qu'on discute avec une femme, quelque part dans la discussion, il y a tu m'écoutes pas. Exact. Je t'écoute, José, je t'écoute tout le long. OK, toi t'es capable d'écouter puis de répondre en même temps. Parce que j'avais pas perçu ça comme ça. D'ailleurs, si on fait le décompte là, tu parles plus que moi dans cette intervention là. Veux-tu qu'on compte? Mais tu te fais toujours dire ça quand tu discutes avec une femme. Quel débat inutile! Tu m'écoutes pas, tu me laisses pas parler! Mais on va reculer le tape, je suis en train de te répondre, tu m'interromps. Regarde, tu veux que je réponde, puis tu me laisses pas finir ma phrase. Je te dis que conduire au volant, de façon à une vitesse très élevée, demande des habiletés physiques particulières. C'est pourquoi, quand on fait du kart, nous les gens ordinaires, ou à un niveau plus élevé les conducteurs de F1, c'est toujours les hommes qui dominent depuis la nuit des temps. De temps en temps, il y a une femme qui va réussir. Mais là, je parle pas de cuisine. Je parle d'un sport qui demande une adresse physique particulière. Donc, sachant ça, que les hommes sont meilleurs, les femmes dans la police, oui, mais assez à droite. C'est drôle, ça. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui est drôle? Ben, je t'applaudis. Dans la guerre, puis je veux même aller, puis tu sais que je suis très objective, moi. Oui. C'est que dans la société en général, là, de 16 ans à 102 ans, je suis certaine que les hommes sont meilleurs au volant que les femmes. Par contre, là, si tu t'en vas dans la police, t'as des cours, t'as des ateliers sur mat, tu t'en vas dehors avec les comptes, tu te pratiques, puis t'as des exercices à faire, etc. Ben la femme a l'occasion là de se perfectionner puis de devenir meilleure. Okay. C'est pas toutes les femmes qui d'ailleurs qui sont aptes à être policières. Je le comprends. Pis celles qui sont aptes, ça se peut qu'elles soient meilleures que la madame tout le monde qui traîne dans la rue puis qui recule au lieu d'avancer dans un centre d'achat là. Je comprends et je vais répondre à ça. Je comprends. Je t'écoute, José. L'argument de la formation, il marche pas. Parce que quand tu regardes aux Jeux olympiques, là, la fille qui fait le 100 mètres aux Jeux olympiques, elle a autant de formation que le gars, elle va toujours courir moins vite. Même affaire dans tous les sports. On est rendu là, on compare ça, là? Oui, je compare ça. Et parce que c'est la même chose. Et pas juste le 100 mètres aux Jeux olympiques. Dans toute, je sais qu'il faut que je fasse attention, t'as l'air, dans toute activité, moi, être bien général, là, je marche sur des œufs, je sais, dans toute activité humaine, où on demande de l'adresse physique. T'as bien beau donner la même formation au gars ou à la fille, l'homme va dominer. Si t'es pas d'accord avec ça, abolis les catégories femmes et hommes aux Jeux olympiques. Je suis d'accord là-dessus. Donc, pourquoi si aux Jeux olympiques si t'es d'accord, disais... quand vient le temps de chauffer un char à 160 km/h, là tu dis que la femme doit être à gauche derrière le volant? Oui, non. Exact. Si tu me disais, par exemple, dans une bataille, OK? Le tu mets un gars ou la fille, là. Je m'excuse, mesdames, là, mais le gars va gagner contre la fille, c'est sûr, selon moi. Ça, je suis capable de le dire. Mais pourquoi au volant, t'es mais pas au volant, non? Ben, ça demande aussi des au habiletés. Volant, il faut que tu sois très, encore là, à l'affût de ce qui se passe, tu sois vite, que tu sois... Les lignes sont pleines. On va, alors c'est notre débat. On va au téléphone, on va aller vous écouter. Richard, bon matin. Oui, salut. Moi, ce que je pense là-dedans, là, c'est que à 23 ans, là, ils n'ont pas l'expérience en arrière du volant. Ils viennent de sortir de l'école de police. Il y a la pression pendant un cause. Tu sais, il y a tout ça. Là. Ça fait un homme ou une femme, là, quand ils sont sous pression puis ils n'ont pas d'expérience, c'est des choses qui arrivent. L'âge est un facteur aussi. Ça, je pense qu'on va pas mal tous être d'accord avec toi, mais c'est un excellent point, Richard. Elle était effectivement très jeune. Mélanie également, à Lévis, celle qui est décédée, ça a été tragique. Elle aussi était jeune. Ben c'est ça, t'sais, la pression qu'ils ont ces jeunes-là, t'sais, c'est quand même des vitesses excessives, là, t'sais, des 160-180 km/h. Ils n'ont pas l'expérience de tout ça, là. T'sais, mais tout ça ensemble, là, ça fait une belle recette, là. Merci Richard, merci. On va aller jaser avec Eric. Eric, bon matin. Salut Sylvain. Salut. Moi j'ai mes amis à Montréal là, qui étaient ambulanciers depuis 5 ans, ils étaient appelés sur un cadre, puis une fille qui conduisait l'ambulance, je ne peux pas récupérer de pour José, là, mais elle avait 25 ans, puis plus ou moins d'expérience, puis l'erreur, c'était de sa faute d'avoir perdu le contrôle de l'ambulance. Mais j'ai une question pour vous, si on veut être juste et équitable. Là. Si on parle de jeunesse, est-ce que la jeunesse s'applique aux hommes aussi ou c'est juste aux femmes? Aux deux, je pense, moi. Oui. Là-dessus, oui. Non, sur l'âge, oui. Bon. Mais sur les habiletés physiques. Si on veut mettre ça sur le compte de la jeunesse, moi, j'embarque avec vous, là. Mais sur les habiletés physiques, c'est pas la même chose. Ça changera jamais. En tout cas, je sais que c'est sa faute à elle, là. Ouais. Merci, Eric. Merci. En passant, je vais vérifier les stats, là. Faut aussi se fier aux faits. Il y a deux femmes, là, qui sont décédées au volant de chars de police à haute vitesse. Est-ce qu'il y a un homme qui est décédé c'est ça, récemment? Je suis en train de chercher. Ouais, mais je l'ai fait. Je te connais. Oui, il y en a eu un, José. Il y a un policier de Trois-Rivières avec trois collègues, là, qu'on me dit, là. Il était sous au volant. Ça, regarde. Ah, c'est, ben, on peut parler de responsabilité aussi, ça, peut-être que les femmes sont plus responsables. Non, non, mais il était pas au volant de son char de police. T'as des arguments. Il était pas au volant de son char de police, ça n'a aucun rapport. Il y en a un qui est mort au volant. Il a frappé un chevreuil. Concernant le... Avec, c'est pas de sa faute. Le chevreuil est arrivé devant lui. Isabelle, salut! Oui, bonjour! Je vous écoute. Oui, ben moi, en fait, j'avais juste une question concernant justement les statistiques. Vous venez de parler de statistiques. Alors, je me demandais comment ça coûte plus cher à un jeune homme de s'assurer qu'à une jeune femme. Parce que... Quelle bonne question! Vous savez pourquoi? Parce qu'il est plus impliqué dans les accidents, parce qu'il chauffe plus. Ah, OK, d'accord, parce qu'il chauffe plus. Oui. C'est ça qu'ils disent, les assurances, oui, c'est parce qu'il y a plus d'heures de volant que la femme. Et il prend plus de risques également. Parce qu'il aime la vitesse. Ah, okay. Alors, c'est pas nécessairement parce qu'il est moins bon, c'est parce qu'il va prendre plus de risques. Parce que lui-ci, en vitesse, il y a plus de misère, OK. Ouais. Okay. Non, il n'y a pas plus de misère, j'ai jamais dit ça. Non, mais t'as dit, il y a plus d'accidents parce qu'il prend plus de risques et qu'il aime plus la vitesse, mais s'il y a plus d'accidents. Mais ça marche pas pantoute, là. Non, je vous dis, l'homme, il prend plus de risques. Oui. Si tu prends plus de risques, si moi je fais du saut en parachute, là, par rapport à quelqu'un qui en fait pas, ça va me coûter plus cher d'assurance. Non, ton exemple qui est très bonne, c'est que quelqu'un qui est en parachute puis qui va selon les règles, ou quelqu'un qui arrive à ras du sol puis qui fait un tournage plus rapide, c'est ça, il faut comparer. Moi, là, je suis pas comme vous autres. Des pommes avec des pommes. Vous savez quoi? Les défauts, les sommes sont pas parfaits, là. Pas ça que je dis à matin. Regarde, sur le plan de la prudence, écoutez-moi bien, là. Sur le plan de la prudence, les femmes sont meilleures que les hommes. Alors, moi, je suis capable de l'admettre. Les femmes, au volant, sont plus prudents que les hommes dans le monde en général. Donc, on paye plus cher d'assurance. En passant, je me plains pas. Mais au volant d'un char de police à 160 km/h, vous viendrez jamais me faire croire que la femme est l'égale de l'homme. Sa place, c'est sur le siège à droite, à côté. That's it. Non, mais elle devrait même faire le café, hein, pour que quand les policiers reviennent au poste. Ben, si elle est meilleure. Es-tu meilleure ou pas? Ça devrait être ça aussi le rôle de la femme policière. Ça dépend si elle est meilleure ou pas. As-tu du bon café? Mais sur quelle statistique vous basez, là? Je veux dire, OK, là, effectivement, on a deux cas Je me base sur la logique. La logique, c'est que toute activité humaine qui demande des habiletés physiques particulières, ça va toujours être l'homme qui va être meilleur. C'est de même aux Jeux Olympiques, c'est de même dans le sport, c'est de même dans la vie. On est une gang d'amis, hommes-femmes, on s'en fait du karting. Ça va être les gars en avant tout le temps. Je l'ai déjà fait. Non, tout le monde le sait. Mais c'est ça. Non, mais ça fait pas de nous des êtres supérieurs. Il y a juste dans certains domaines où on est meilleur. L'objectif, c'est pas de dire si les dames ou les messieurs sont meilleurs, mais je pense que si on y va selon les statistiques, vous pouvez avoir votre argument là-dessus, mais c'est assez clair et net qu'un jeune homme, quand il vient pour s'assurer versus une jeune femme, les assurances sont... Si vous vous informez, vous allez voir que vraiment... Parce qu'il prend plus de risques. Je suis d'accord, Isabelle. Ça, je vous le donne, moi. Puis je vous donne cette qualité-là, les dames, d'être plus prudentes, plus responsables. Et surtout en passant, surtout les jeunes hommes. Un jeune homme de 21 ans, si on passait par là, on est fou un peu, là, puis on se pense invincible. La fille à 21 ans est beaucoup plus mature. Regarde, ça me dérange pas. Moi, j'ai rien perdu de mon estime en avouant ça. Pour les femmes, vous êtes pas capable de dire, effectivement, police, la femme, elle devrait être assise sur le siège de l'helper. À droite, c'est ça sa place. Ça vous enlève tellement. Un jour, je dis ça, là, interne, moi. Mais ça vous enlève tellement. Mais moi, je viens bien de dire que vous êtes plus prudente. J'ai rien perdu, moi. Mais peut-être que dans le fond, les accidents, je ne sais pas au niveau de la police, peut-être que c'est plus répertorié quand il y a une personne qui en meurt, ben là, c'est sûr que peut-être on en entend plus parler, mais quand c'est des jeunes hommes, est-ce que peut-être au bout de la ligne, il y a peut-être autant d'accidents avec les jeunes policiers que les jeunes policières? C'est un bon point, là. On parle de morts, mais dans le fond, au niveau des accidents, on les a pas les statistiques. Merci, là. Isabelle. On va faire de quoi? Si vous voulez vraiment le faire, là, moi, je prends n'importe lequel. On fait un bassin, là. On prend 10 gars, 10 filles, on s'en va à KCH Château-Richer, puis les verres s'allument, on roule. Ça marche pas, ton argument. Puis en passant, là, moi, mettre bien de l'argent là-dessus, que majoritairement, en passant, ça sera pas 10 gars en avant, 10 filles. Moi, je prévois qu'il va y avoir 6 gars en avant, peut-être une femme, après ça, 2 gars, après ça, une femme, puis le reste des femmes. Ça sera pas... Mais sachant que les hommes dominent, pourquoi c'est fait que dans la police, ils disent pas, on prendra pas de chance? Quand il y a un couple, c'est le gars qui est au volant, sa fille qui est à droite, puis les filles, vous partirez pas tout seul sur un call d'urgence. Ça ne marche pas, tes arguments. On aurait sauvé 2 vies. Martin, bon matin. Oui, salut, Butch. Salut. Moi, je suis chauffeur au RTC. Puis, désolé pour José, mais 80% des stupidités qu'on voit au volant, ça vient des femmes. Puis ça, c'est pas les chauffeurs garçons qui le disent, c'est les femmes, parce que nous, on le dit, on passe pour des machos. Mais les femmes chauffeurs, là, s'il y en a qui t'appellent, là, ils vont te le dire, 80% des stupidités qu'on voit au volant, c'est les femmes. Parce qu'ils sont pas attentifs à ce qu'ils font. S'ils voient un coin de rue, il fallait qu'ils tournent là. Ils regarderont pas, ils vont tourner, peu importe. Non, mais c'est dur aussi se maquiller puis tourner puis. Hey, là, t'as un bon point, José. Non, c'est parce que je vous donne raison, pour vrai. Je l'ai dit tantôt même, c'est pour ça que j'en ris, là. Dans la population en général, je suis certaine que les gars, c'est des meilleurs conducteurs. Sauf que quand le petit pourcentage de population féminine qui veut devenir policière, elles ont plus d'aptitude que la femme moyenne. C'est ça, je veux dire. Oui, peut-être. Mais tu sais, je te dirais qu'à 23 ans, là, rouler à 160, là, t'as beau avoir pris un cours, tant que t'as pas assez d'années d'expérience de conduite, tu peux pas savoir comment qu'une voiture va réagir. Mais j'ai une question pour vous au niveau du RTC. Oui. Ça veut dire que les femmes qui sont là, vous êtes en désaccord à ce qu'ils soient volants? Ben non, pas du tout. C'est des femmes professionnelles. Ah, OK. Eux autres sont professionnelles, mais les femmes policières ne le sont pas. José, c'est quand t'avais un RTC, un bus du RTC à 160 km/h. Tu viens pour de quoi, là? OK, je comprends, là, l'argument, là. Mais non, mais tu réponds-tu? C'est quand qu'un char bus du RTC roule à 160? Il l'a dit. Des professionnels. Tu m'écoutes pas. C'est quand qu'un bus du RTC roule à 160 km? Ça prend des aptitudes, honnêtement. Répondons non. Tu m'écoutes pas. 160 km, c'est jamais. Bon, okay? Alors c'est pour ça que les femmes. C'est pour ça que les femmes sont bonnes au RTC. Mais femme policière, c'est 160 km tout le temps, là, c'est ça? Non, mais c'est arrivé deux fois, on a deux mortes. Sarah, bon matin. Sarah? Ça va bien? Oui, très bien, toi. Alors, regarde, moi, je t'appelle pour te dire une chose. Je pense que les femmes ont un peu moins d'aptitude que les garçons. Moi, je suis policière dans le Québec. Ça a déjà arrivé que je me fasse chauffer par des poêlons, par exemple. Les jeunes qui commencent. Que ce soit un garçon ou une fille, puis je te dirais, moi, quand on a des enfants qui sont impliqués aussi, notre conduite au volant est changée beaucoup. Du fait que quand je reviens à la maison minuit, le soir, là, j'ai deux raisons de revenir à la maison. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais plus jeune au niveau de mon corps policier, je roulais un peu plus rapidement. Maintenant, je m'en vais sur une violence conjugale. Mais qu'est-ce que tu veux? La madame, elle mange une claque sa gueule, mais moi, je ne voudrais pas me tuer pour aller essayer de la sauver. Je vais faire n'importe quoi pour elle, là. Et je vais penser à ma vie avant un film certain. Ouais, non, je suis d'accord, mais admettons, Sarah, là, admettons, est-ce qu'on serait pas plus sécure? Puis je trouve tellement que ça enlève rien à la femme, ça la diminue pas, c'est par prudence. T'sais, non, mais c'est pas insultant de s'asseoir sur le siège à droite, de dire les femmes, là, quand il y a des conditions, faut que vous rouliez à haute vitesse, sachant que les hommes, en général, vont être meilleurs, on va laisser ça aux hommes? Ben, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je me fais conduire parfois par des jeunes, puis je lui dis, là, slack la pédale, là, t'as pas un tas de roches dans le fond de ton soulier, là, slack un peu, là. Merci, Sarah. Merci. Okay, mais oui, je sais qu'il y en a des fois, là. Studio à commercial fm93.com. Si jamais vous voulez commenter le débat, on va vous lire. 8h52 au FM 93.